Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, l'iceberg, une matière à réflexion. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct au Théâtre de la Ville à Paris, en direct mais sans public hélas, en compagnie tout de même et heureusement de mon invité que je vais vous présenter dans une minute, en compagnie également du camarade Léon Bonafé que je salue. La mission de Léon consistera, vous le savez, à déconfiner nos neurones à l'aide de ce qu'il appelle des trampolines poétiques. Notre sujet du jour est celui-ci, l'iceberg, une matière à réflexion. Le Titanic est passé par là. Nous avons longtemps considéré que les icebergs dérivant sur l'océan ne servaient qu'à faire sombrer les gros navires. Mais aujourd'hui, nous savons que tout comme les glaciers et la banquise, les icebergs fondent. Que ces flocons de neige entassés et compactés les uns sur les autres fondent même dramatiquement. Nous découvrons également qu'ils abritent des formes de vie minuscules et même qu'ils participent à leur façon aux affaires humaines. Tout ce qui les affecte nous affecte également. C'est pourquoi nous devrions nous montrer plus attentifs à leur évolution. Et peut-être aussi nous poser cette question. Si l'existence et le destin des icebergs étaient pleinement réfléchis par nous autres, en quoi notre pensée et notre rapport au monde serait-il changé? Pour répondre à cette question que je trouve très difficile, j'ai invité Olivier Remaud, bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes philosophe, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous publiez chez Actes Sud un livre qui répond directement à la question posée, qui s'intitule « Penser comme un iceberg ». Alors j'ai une première question qui va sans doute vous paraître naïve, mais qu'est-ce qui peut bien pousser un philosophe à s'intéresser aux icebergs et même à tenter de penser comme eux? Est-ce que ça n'est pas d'emblée ravaler l'idée même de penser? Alors qu'est-ce qui pourrait pousser un philosophe à s'intéresser aux icebergs? Peut-être pour une raison simple, parce que ça intéresse tout le monde. Et que c'est aussi être philosophe que de parvenir à se décentrer de sa propre discipline et de se poser des questions un peu plus générales. Et quand on rentre dans le sujet, on comprend très rapidement que l'iceberg, qui est un bout de glacier, prend place de manière extrêmement significative dans ce qu'on peut appeler rapidement le cycle global du vivant. Et dès ce moment-là, ça concerne bien sûr les philosophes, mais parmi d'autres. Mais j'ai quand même du mal à croire, Olivier Remaud, qu'un matin, vous êtes réveillé, tiens, il y a un sujet qui intéresse tout le monde, les icebergs, donc je vais faire un livre sur les icebergs. Il y a sans doute dans votre itinéraire personnel quelque chose qui a déterminé ce choix à la fin. Ça vient de loin. Je vous passerai quelques étapes, mais il y en a une qui m'intéresse, c'est mon rapport à la montagne, en fait. Mon intérêt pour les glaces. On va évidemment vient en parler. De la montagne. Donc, mon rapport aux icebergs vient des glaciers, et notamment de cette merveille qu'est un glacier suspendu, par exemple. Quand on en observe un, ou quand on s'en rapproche un petit peu sur tel ou tel versant montagneux, il y a cette impression de présence. Donc, j'ai vécu ça. Et puis ensuite, j'ai voyagé dans des zones boréales. Et puis, de fil en aiguille, j'ai beaucoup lu également. Et puis, voilà, les outils, les expériences, les écritures se sont un peu collectées les unes les autres. Ça a formé une espèce de monticule assez appréciable. Comme des flocons de neige qui font... Ça s'est tassé, effectivement. Les cristaux étoilés sont devenus des grains ronds qui se tassent les uns sur les autres, mais tout en ne perdant pas la totalité de leur oxygène. Donc au contraire, j'ai trouvé une grande respiration dans ce travail au long cours. J'y ai passé du temps sur ce livre. Et puis j'ai compris à un moment quelque chose qui, je l'espère, intéressera aussi les lectrices et les lecteurs. C'est que de ceci, il faut justement tirer des histoires. Et l'un des intérêts, je crois aussi, de se pencher sur ces questions-là, les glaciers, les icebergs, les mondes de glace, comme je les appelle en général, peut-être en tant que philosophe, même si ça peut paraître paradoxal, c'est de mettre ces mondes en récit, de raconter d'autres histoires que celles qui nous sont souvent servies, entre guillemets, notamment par la littérature d'exploration, même si j'avoue un péché mignon à l'égard de cette littérature, mais je crois qu'il y a quelque chose à approfondir, peut-être même à surmonter dans cette littérature, on en parlera certainement. Et voilà, ça m'a permis d'aboutir à ce livre, Penser comme un iceberg, où je me suis dit, finalement, je raconte beaucoup d'histoires à propos de ces entités, de ces régions, des gens qui habitent ces régions aussi, qui les peuplent, et puis de tout ce vivant que l'on doit sans doute apprendre à redécouvrir. C'est un débat qui est très présent aujourd'hui. Et je propose en effet de le redécouvrir à partir de mondes que l'on a pris l'habitude de considérer comme étant dénués de vie. C'est une erreur. Alors c'est un livre de philosophie, on l'a dit, mais c'est aussi un livre de poésie, de poétique. Et j'espère que vous ne prendrez pas mal le fait que j'ai trouvé à votre écriture, qui est magnifique, des accents bachelardiens. Ça m'a fait penser à ce livre écrit par Gaston Bachelard qui s'appelle « L'air et les songes », dans lequel il parle de la montagne, du psychisme ascensionnel, etc. Est-ce que c'est pour vous un compliment ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne ? C'est un très beau compliment, donc je le reçois à 200% avec le plus grand plaisir, Gaston Bachelard étant quand même précisément l'un de ces philosophes qui... à la fois savait défendre la raison scientifique tout en misant sur l'imagination et notamment sur l'écriture, chose effectivement à laquelle je prête beaucoup d'attention. Donc lorsqu'on lit Bachelard, on apprend beaucoup de choses et en même temps on n'étouffe pas, rien n'est sec, au contraire, tout est fluide. Et donc c'est merci. Alors il y a un historien aussi qui parle un peu comme vous, pas tout à fait comme vous, que vous citez d'ailleurs quelque part dans votre livre, qui est Jules Michelet, qui a écrit un livre qui s'intitule La Montagne. Alors il dit pas qu'il faut penser comme les glaciers ou les icebergs, mais il dit qu'il faut prendre conscience que ce qui les affecte nous affecte. Je le cite. Les glaciers constituent un redoutable thermomètre sur lequel le monde entier, le monde moral et politique doit toujours avoir les yeux. Les changements d'atmosphère qu'ils indiquent, changent la pensée, l'humeur et la vie nerveuse. C'est sur le front du Mont Blanc, plus ou moins chargé de glace, que se lit le futur destin, la fortune de l'Europe et les temps de la paix sereine et les brusques cataclysmes qui renversent les empires et emportent les dynasties. Et donc il disait que finalement la vie des glaciers a une incidence directe sur les conditions d'existence des peuples, donc sur la vie politique, et que pour cette raison, il convient d'être très attentif à leur évolution. Mais ce sont des lignes qui datent de 1868. Oui, depuis, on a pris conscience du changement climatique. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter à ce que dit Michelet pour que notre discours soit plus pertinent ? C'est une prescience incroyable. Cette citation est effectivement sublime. Elle consonne complètement avec... par exemple, les premières analyses tirées des carottages glaciaires dès les années 60-70 qui ont été donc les expériences menées à partir desquelles on a commencé à comprendre le lien entre la hausse des températures planétaires et la teneur en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc maintenant, heureusement, cette équation est acquise d'une certaine manière, mais ce qu'il reste à comprendre, c'est l'autre partie de la citation de Michelet, c'est-à-dire dans quelle mesure ça nous affecte. C'est-à-dire que ce qui est, je crois, très puissant dans ces lignes, qui datent effectivement du 19e siècle, donc ça fait longtemps, c'est que elle nous invite à bien considérer que ces mondes-là, le pôle Nord, le pôle Sud, les hautes montagnes en Amérique du Sud, mais aussi, alors ça nous paraît plus près là subitement, mais nos Alpes par exemple, sont très proches de nous. Nous en dépendons intimement au sens très, très organique du terme. Un seul exemple que j'aime beaucoup citer parce qu'il est très éloquent, c'est que les algues de banquise, ces micro-organismes unicellulaires, les diatomées, qui s'accrochent donc sous cette épaisseur flottante, participent à la production de l'oxygène mondial. En plus du fait que c'est le point de départ de ce que l'on appelle en termes scientifiques la chaîne trophique de ces régions, c'est-à-dire le réseau alimentaire. Mais pour le dire donc très simplement, parce que la conclusion est rapide à tirer, c'est-à-dire que moins il y a de banquises, plus la banquise se rétracte, moins il y a de cette population d'êtres minuscules dont nous dépendons néanmoins pour respirer très directement. Donc, moins il y a de banquises. C'est ce qu'on appelle le cannibalisme de la fonte. Alors, c'est ce que, effectivement, le géophysicien Marco Tedesco appelle d'une formule vraiment frappante, le cannibalisme de la fonte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la dynamique d'ablation, comme disent les glaciologues, c'est-à-dire lorsque la glace ou la neige disparaît, l'emporte sur la dynamique d'accumulation, c'est-à-dire à ce moment-là, à partir du moment où un glacier, pour ne citer que cette masse-là, commence réellement à perdre de son volume, eh bien finalement c'est un phénomène qui s'auto-entretient. Donc la fonte se nourrit d'elle-même. Donc, et qui s'amplifie. Qui s'amplifie, donc, en effet. Donc il y a une sorte de tipping point, il y a une sorte de point de basculement à partir duquel on sent quand même une logique irréversible. Alors j'avais choisi comme titre l'iceberg matière à réflexion, on pourrait dire la même chose de la glace, des glaciers. Alors cette expression, je l'ai empruntée non pas à un philosophe, mais à Léo Campion, je ne sais pas si vous le connaissez, c'était un artiste, un humoriste, un anarchiste, qui fut le régent de l'Institut de Pataphysique, auquel on doit d'autres formules savoureuses, telles celles-ci, « Dès qu'on dit feu un tel, c'est qu'un tel s'est éteint. » Ou bien « Pour bien nager, un joli caleçon ne vaudra jamais une étendue d'eau. » Ou bien encore, il vaut mieux être cocu que ministre, ça dure plus longtemps et on n'est pas obligé de la citer aux séances. Fin de citation. Mais donc cette idée que la glace est une matière à réflexion, vous la poussez jusqu'au bout, au point que vous arrivez à dire que les glaciers, la glace, d'une certaine façon sont des êtres vivants et qu'ils ont une pensée qui critique notre pensée. Il y a presque un discours moral à la fin dans votre livre. Est-ce que c'est juste métaphorique ou est-ce que quand ils se mettent à fondre sous nos yeux, ils nous envoient un message directement pour nous culpabiliser? Alors j'ai fait attention à pluraliser les approches de ces masses, de ces glaciers, de ces icebergs, de ces calottes glaciaires, de ces plateformes glaciaires, parce que en fait il y a beaucoup de formes de la glace. Et en pluralisant les approches, j'ai découvert beaucoup de choses venant de la discipline de l'anthropologie, venant des populations autochtones, donc venant, on pourrait le dire comme ça, d'autres usages du monde que probablement les nôtres entre guillemets. Et qu'est-ce que j'y ai trouvé ? J'y ai trouvé finalement beaucoup de récits, de témoignages, d'expériences qui vont dans le sens, en effet, non pas d'une vie prêtée à, par exemple, un glacier, mais de la reconnaissance que ce glacier a une vie. Et on peut le voir, par exemple, en Islande aussi. Beaucoup de gens en Islande, et ça concerne probablement beaucoup de gens en montagne aussi, qui vivent près d'un glacier, ont ce sentiment d'une présence partagée, d'un apprentissage qui vient de loin, de liens qui ont été noués entre une entité supposée par d'autres inerte et notre propre esprit, notre propre corps, notre façon de le percevoir. Et donc j'ai compris à ce moment-là que ce qui se passait, c'est que dans chacun de ces cas-là, les glaciers devenaient des partenaires d'interaction, des acteurs de la vie quotidienne, au même titre finalement que n'importe quel autre être de cette existence quotidienne. Autrement dit, ce sont des personnages qui s'installent dans des biographies personnelles et puis qui sont eux-mêmes en retour dotés ou qui témoignent de leur propre biographie. Ils dorment bien, ils dorment mal, ils ont des humeurs, on considère qu'ils n'ont pas assez mangé, par exemple. On trouve vraiment ce type de description et je crois, j'en suis sûr, qu'il ne faut pas considérer que ce sont là des superstitions. C'est un type de savoir qui provient d'une expérience partagée, de liens qui ont été donc tissés à un moment, autrement dit d'une histoire qui est devenue commune. Et c'est pour ça, sans aucun doute, que lorsque ces glaciers-là disparaissent, eh bien, les gens qui vivent à côté d'eux ou en rapport avec eux sont tristes et les pleurent amèrement et prient pour que, éventuellement, les glaciers voisins ne fondent jamais ou alors pas avec la même rapidité. Alors, bien sûr, quand on est dans ce genre de contexte ou de situation, ces entités-là nous renvoient à quelque chose. Et je me suis trouvé confronté à des témoignages ou même et des récits où même on pouvait comprendre quelque chose de plus, c'est-à-dire que les glaciers avaient une autorité morale en effet sur telle ou telle communauté, tel ou tel clan par exemple dans certaines zones boréales. Autrement dit, on pouvait interpréter un excès du glacier par exemple qui pour des raisons bien sûr que notre science entre guillemets nous dirait donc assez mécanique et explicable, objectivable, hein, un glacier qui déborde de son lit, ça peut très bien dépendre de facteurs que l'aréologie par exemple expliquerait facilement, hein, cette science de l'écoulement et de la déformation d'une matière sous l'effet d'une contrainte, hein. Bon, mais on peut trouver aussi un autre type d'explication qui est d'ordre plus moral, c'est-à-dire que il s'agit en fait de sanctionner une erreur commise par tel ou tel clan. Donc il y a un effet de miroir, il y a un effet de retour comme ça. Mais cet effet de miroir, Léon Bonnafé, si ce que dit Olivier Remaud, est vrai, et je ne doute pas que ce soit vrai, ça a dû inspirer les poètes. Alors oui, et j'ai fait un gros effort, Étienne, cette fois-ci, parce que... Pourquoi cette fois-ci? Bah parce que bon, voilà, souvent ce que vous me dites, c'est Léon, c'est bien, mais il faudrait se recentrer un peu, vous papillonner un peu autour du sujet. Cette fois-ci, j'ai été littéral, Étienne. Mon premier poème s'appelle Iceberg. On est en plein dedans. C'est un poème d'Henri Michaud, extrait du recueil qui s'appelle La Nuit remue. Henri Michaud, le grand poète français, dont la seule erreur peut-être aura été de se faire naturaliser français alors qu'il avait eu la chance de naître belge. Mais c'est pas du tout le sujet pour le coup. Iceberg. Iceberg, sans garde-fou, sans ceinture, où de vieux cormorans abattus et les âmes des matelots morts, récemment, viennent s'accouder aux nuits enchanteresses de l'hyperboréal. Iceberg. Iceberg, cathédrale sans religion de l'hiver éternel, enrobée dans la calotte glaciaire de la planète Terre. Combien haut, combien purs sont tes bords enfantés par le froid. Iceberg. Iceberg, d'eau du Nord Atlantique, auguste Bouddha gelé sur des mers incontemplées, phare scintillant de la mort sans issue, le cri éperdu du silence dure des siècles. Iceberg. Iceberg. Solitaire sans besoin des pays bouchés, distants et libres de vermine. Parents des îles, parents des sources, comme je vous vois, comme vous m'êtes familier. Merci Léon, tout le monde applaudit mais ça ne s'entend pas. Olivier Remaud, une réaction à ce texte éventuellement? C'est un poème poignant et très bien lu, merci. C'est poignant et moi finalement c'est le dernier mot qui m'intéresse le plus, c'est le mot familier. Mais que Henri Michaud ne tisse pas jusqu'au bout, hein, parce que on voit que c'est aussi un poème qui est assez lugubre. Et il est vrai que dans le livre, j'invite à plus de joie, disons, à une vision. Ouais, moi, je pensais que vous alliez réagir à ce qu'il dit au début, à Iceberg, cathédrale sans religion de l'hiver éternel. Parce qu'à plusieurs reprises dans votre ouvrage, vous montrez à quel point les explorateurs, notamment, ont vu dans les icebergs des cathédrales, enfin des architectures humaines qui étaient donc incarnées sous forme de glace. Oui, c'est ça. Il y a toute une littérature d'exploration qui hérite un peu de ce romantisme en fait qui essaye de placer dans les mondes de glace l'épreuve d'une différence insurmontable entre la grandeur divine dont l'iceberg est un morceau et la misère de la condition humaine. Et c'est ce qui fait que lorsque bien des explorateurs vont au 19e siècle, même encore au début du 20e siècle dans ces régions-là, ils sont tiraillés entre un sentiment d'émerveillement radical, hein, c'est l'expérience du sublime, et puis en même temps la conscience réelle que le milieu est hostile, qu'il y a beaucoup de dangers. On est à la fois effrayé et émerveillé, c'est ça le sublime chez Kant. Exactement, c'est ce registre-là, et c'est aussi ce registre que j'invite à dépasser, parce que Henri Michaux, je crois, comme tant d'autres, en reste finalement à une vision de surface. C'est la partie émergée de l'iceberg qui conforte le registre du sublime, c'est-à-dire la partie en fait toute blanche où aucune vie ne subsiste, tout est nu, tout est désert. Parfois, un fulmare boréal se pose sur le cône brillant. Mais on ne comprend pas que la vie, elle, et on commençait par évoquer le cycle du vivant, la vie, elle, se niche finalement, souvenir d'école, dans les 9 dixièmes qui sont en dessous, la partie immergée. Et, Archimède. Voilà, et même si c'est un peu une énigme en fait. Non, c'est pas pourquoi la glace flotte, je vous le confirme. C'est le seul corps dont la phase liquide soit plus dense que la phase solide. C'est ça. Et en fait, j'invite tout le monde à plonger, en ce sens, à plonger même dans les eaux froides, si tant est que on puisse vraiment tous le faire. Évidemment, c'est une invitation assez symbolique, mais je veux dire, regardons ce qui se passe en dessous. Regardons dans l'océan. Pour comprendre que précisément nous dépendons de ce vivant-là et non pas uniquement de cette expérience de beauté, si intense soit-elle. Mais dans votre livre « Penser comme un iceberg », vous racontez une histoire que j'ai trouvée incroyable. Donc on vient de rappeler que beaucoup d'explorateurs voyant les icebergs croyaient y reconnaître, en tout cas c'était leur façon de dire, des cathédrales. Et puis lorsque en 1772 on a fait visiter la cathédrale Saint-Paul à Londres à 5 Inuits du Labrador, ils ont cru voir une montagne. Comme s'il y avait une symétrie des regards. On projette sur ce qu'on découvre des images qu'on a en soi. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est un exemple supplémentaire du biais cognitif de confirmation. C'est que finalement, on voit ce qu'on attend de voir ou éventuellement ce qu'on a besoin de croire. Dans cet ordre d'idée, il y a un autre exemple que je trouve assez savoureux aussi, c'est lorsque un explorateur anglais raconte qu'il avait montré un film sur l'Antarctique à des amis à lui inuits. Et il était frappé par la réaction de son groupe d'amis qui était stupéfait, voire très inquiété. Donc eux étaient du Nord. Qui étaient du Nord, et il leur montre un film sur le pôle Sud. Et les Inuits, amis de cet explorateur, étaient liquéfiés de peur devant ce continent qui leur semblait si dénué de vie. Donc vous voyez la symétrie. Mais d'ailleurs, au début de votre livre, vous faites parler les icebergs et vous leur faites dire « nous sommes un peuple ». En fait, il y en a deux. Il y a ceux du Nord et ceux du Sud, et ils se croisent jamais. Et ils n'ont pas du tout la même taille. C'est vrai, ils n'ont pas du tout la même taille, puisque donc on peut rappeler que généralement quand même les icebergs qui sont détachés de la zone arctique et qui souvent longent par exemple la côte de Terre-Neuve, on en voit pas mal dans ces régions-là, sont de taille assez moyenne voire petite. Jamais tabulaire comme on dit. En revanche, donc à propos du pôle Sud, ce sont souvent des icebergs qu'on appelle tabulaires, c'est-à-dire des grosses plaques, et pour une raison très très simple, c'est que ils se détachent. On l'a encore vu avec l'événement de la plateforme glaciaire Larsen C en 2017. C'est qu'ils proviennent de plateformes glaciaires qui elles-mêmes en fait bouchent les glaciers. Donc ce sont des phénomènes assez compliqué, mais que les glaciologues expliquent très très bien. Et donc ça explique à la fois les différences de taille, de masse, mais aussi de forme, comme de durée de vie. Point important, parce que, rappelons-le aussi, une fois qu'un iceberg est lâché, si j'ose dire, une fois qu'il est vêlé, hein, selon ce registre, enfin cette terminologie, des scientifiques eux-mêmes, eh bien, il est promis à disparaître, hein, puisque là, sous l'effet de l'eau salée, qui est quand même très corrosive et la plupart du temps de la montée des températures, puisqu'à ce moment-là, il migre vers des eaux censément plus chaudes, eh bien, il se disloque, il se retourne, l'immergé devient émergé, hein, l'invisible pour nous devient le nouveau visible pour nous, et puis il se casse sans cesse jusqu'à ne former plus que de petits bouts, de petits fragments de lui-même. C'est une autodissolution. Alors, évidemment, quand l'iceberg est tabulaire, et qu'il fait, comme dans le cas précité de la plateforme Larsen C, donc au sud, en 2017, la dimension d'environ 5800 km², ça prend plus de temps qu'un petit iceberg qui vient du nord. Mais ça se termine comme un glaçon. Et chaque fois, ça se termine exactement de la même manière. Alors, vous l'avez dit, Olivier Remeau, vous êtes fasciné par les récits des explorateurs. Qu'est-ce qui est arrivé à James Cook en janvier 1774? Vous dites que un iceberg a sauvé la vie à cet homme et à son équipage, pardon. Alors, en fait, je mets en scène au début du livre je fais une espèce de prosopopée, hein, c'est-à-dire que je mets à la place je mets les icebergs à la place d'eux-mêmes, et je leur prête une voix, au sens où je les entends s'exprimer lorsqu'ils voient arriver le bateau de James Cook en 1774, qui se rapproche d'eux, donc, et de cet endroit de l'Antarctique Nord, puisque James Cook essayait, il s'y est repris à trois fois de toucher en fait ce continent antarctique dont tout le monde parlait dans les salles dorées des ministères et des académies, mais que finalement personne ne connaissait vraiment. Et puis, donc c'était lors de la deuxième expédition, et je mets en scène le regard le type de perception que les icebergs pouvaient avoir en voyant ce bateau arriver, sachant que c'est cette barrière de glace qui arrête, hein, le bateau de Cook, sur lequel il y a aussi le jeune Vancouver, et que Cook, finalement, décide de remonter vers le nord. Voilà, c'est une prosopopée introductive. Je l'ai fait exprès pour deux raisons. D'une part, pour mettre en scène mon retrait volontaire, même si, bien sûr, il y a une tactique d'écriture, c'est moi qui écris, hein, mais au sens où je voulais... finalement moins d'entrée de jeu parler de moi que faire parler ces icebergs dont ensuite j'allais raconter plusieurs histoires différentes, et le livre se termine sur une autre prosopopée, hein, une prosopopée conclusive qui là nous renvoie à 250 ans plus tard à un autre iceberg que je nomme la lointaine petite fille, puisque j'ai fait beaucoup de recherches, discuté avec beaucoup de glaciologues pour m'assurer que c'était bien du même endroit lors de la période de Cook que cet iceberg B49 venait de chuter dans l'océan. Ça, c'est un phénomène qui s'est produit il y a quelques mois maintenant. Donc je nomme ce B49 lointain cousin de l'iceberg qui a vu et qui a arrêté James Cook en 1774. Et voilà, je mets ces voix en rapport à 250 ans de distance les unes les autres. Je vais citer cette dernière voix. Donc c'était un iceberg qui parle. Je ne sais plus quand j'ai vu le jour, ni quel amas de flocons neigeux, ni de quel amas de flocons neigeux je viens. Comme tous mes parents, je suis tombé du ciel et bientôt je vais disparaître dans la mer. Une petite masse blafarde. Si vous me voyez flotter, c'est que vous entrez dans un univers où vous devrez penser comme nous. Nous ne sommes pas des paysages, nous sommes le passé, le présent et l'avenir du monde. Léon Bonafé, à vous la suite. Ah, ouais. Très bien. Alors, je dois avouer que autant sur le premier j'ai été très bien, quoi, très littéral. Autant je pense que scolaire. Voilà. Et du coup, je pense que j'ai un peu décompensé, quoi, ensuite. Ce qui fait que là, là, je ne peux rien garantir. C'est un poème dans lequel il y aura des girafes, des volcans. Il y a même des pangolins. Enfin, c'est vraiment, j'ai perdu le contrôle. J'espère, Olivier Romeau, que il y a quand même un écho qui va se trouver avec avec la langue, avec le rapport à la parole, puisque c'est un poète qui s'appelle Alain Bosquet, que j'ai déjà cité ici plusieurs fois, qui est poète franco-russe assez incroyable, avec une œuvre très importante et qui analyse beaucoup les rapports entre les choses et les mots pour les dire. Et ici, dans ce poème qui voyage dans plein d'univers à la fois, qui s'appelle « Écrit en marge du poème », puisque c'est à la suite d'un autre poème qui s'appelle « Le Second Testament », voilà, il va nous emmener à voyager parmi les mots. Objets, devenez animaux. Je l'exige, animaux, devenez hommes. Il faut enfin vous compromettre. Le peuple assassina les mots parce qu'il confondait cathédrale et banquise, arc-en-ciel et zébu, volubilis et rire de la reine. Bientôt, le peuple assassina le très jeune silence. Qui me dira ce que 3000 pangolins sont venus discuter au congrès des poètes tenu cette semaine sous ma peau? J'ai dit « girafe, je dois devenir cette bête. Coup de platane, archipel sur la peau, dans ma course un tangage de goélette qui s'affole. J'ai dit « volcan, je dois m'écarteler. Un œil pour l'équateur, un bras pour la forêt, un rire pour le village enseveli. J'ai dit « poète, je dois… » Mais je reste girafe. Mais je reste volcan. En moi, c'est la guerre civile. Mon orangé n'aime pas mes genoux. Ma cascade se plaint de mon squelette. Je dois choisir entre mon cœur et ma valise où ronfle une île poignardée, mon manuel d'histoire et ma tête remplie de souvenirs pendus. Verbe à muqueuse, objet qui te voudrais humain. En moi, c'est la guerre civile. Pourquoi le chêne est-il absent du chêne? Pourquoi le fleuve n'est-il pas au fond du fleuve? Pourquoi le mur a-t-il quitté le mur? Ils sont sortis d'eux-mêmes pour se comprendre, pour s'accepter. Je m'abandonne aussi. Je connais le bonheur en chêne faux, en fleuve sec, en mur très mou. Vous soignez mal votre langage. Voilà pourquoi vos framboisiers produisent des vipères, vos archipels tous le sang, vos collines se brisent comme des verres à liqueur, vos soleils sont infirmes et vont s'asseoir sur des lits défoncés. Votre langage vous soigne mal. Vous serez mort dès le premier accès de prose. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Merci Léon. Olivier Romeau, peut-être une réaction? Il y a des choses qui ressemblent à ce que vous dites, hein, oui, à propos du langage. Tout à fait, et puis là on voit très bien que la poésie ajoute des êtres dans la vie. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui la rapproche de la science, parce que moi, je suis de plus en plus persuadé, et c'est l'un des messages que j'aimerais faire passer aussi avec ce livre, que la science ajoute également, elle vient parfois clore nos incertitudes, mais elle ajoute aussi de la complexité, avec en sollicitant des personnages nouveaux, des êtres nouveaux, en posant des questions nouvelles, en formulant des problèmes d'une manière nouvelle, mais claire, en la formulant bien, précisément, ces questions, comme dirait Bachelard, justement. Et donc, là, on voit que science et poésie se serrent la main, puisque le but est partagé. Il s'agit, en fait, de raconter des histoires où le peuple est plus nombreux. Mais là, le poète dit « Le peuple assassina les mots ». parce qu'il confondait cathédrale et banquise. Donc on retrouve encore cette histoire de cathédrale. Et vous, dans votre livre, vous dites, pour dire la vie, les verbes sont plus utiles que les noms. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça, c'est une caractéristique de beaucoup de langues donc dites animistes, dans lesquelles en fait les substantifs sont assez rares. Ça se vérifie assez régulièrement, quelles que soient les zones géographiques, les zones culturelles et les outils langagiers, les modes verbaux l'emportent. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? On le voit par exemple dans le registre de l'Inuktitut, la langue des Inuits, on se rend compte que à partir d'un nom générique, par exemple Siku, le nom générique de la glace, en fait on module ensuite avec l'aide du mode verbal les qualités qui permettent de mieux décrire les différents registres, en l'occurrence de la glace. Et on décline comme ça. Et qu'est-ce qui apparaît dans tout ça ? C'est que plus on privilégie les modes verbaux, plus on élargit le registre des êtres qui sont vivants, et plus, surtout, c'est la deuxième chose, on obtient un langage précis. Le langage précis permet de décrire le foisonnement vivant du monde que l'on a en tête et que l'on voit et auquel avec lequel on entretient des relations. Donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'on décrit beaucoup plus la complexité des processus qu'on ne nomme des choses. Exactement. Et à ce moment-là, on saisit que le langage vient épouser la richesse d'un milieu. Alors qui n'est même pas simplement environnant, puisque le milieu n'est pas autour, on est en plein dedans, on vit avec, je crois que c'est là où la force de la dite nature s'impose, bien évidemment. Et puis il y a une troisième chose que ça permet de comprendre aussi, c'est que le langage sert véritablement à agir. Parce que sa description, son ordre de description sera très fin, très appliqué à l'ordre de la réalité. Et donc, par exemple, selon la façon dont on caractérisera, par exemple, l'état de la banquise, on décidera de sortir le traîneau ou pas, ou au contraire de rester chez soi. Est-ce qu'on peut raconter la vie d'un flocon de neige ? D'abord, est-ce que le mot vie n'est pas un peu trop fort ? On parle aussi de la vie et de la mort des étoiles. Mais est-ce qu'on considère pour autant que les étoiles sont des êtres vivants ? Non. Le flocon de neige, vous avez l'air de dire que c'est un peu différent. Il est plus vivant, peut-être, à vos yeux en tout cas, que l'étoile. Alors, l'un des autres aspects extrêmement intéressants du poème, justement, d'Alain Bosquet, c'est qu'on s'aperçoit que les choses ne sont pas complètement des choses pour tout le monde. Donc, bien sûr, si on se met à établir ou à raconter la biographie d'un flocon de neige, ça pourrait être au moins en deux sens. D'une part, parce que le flocon de neige qui tombe des hauteurs du ciel a une forme d'histoire. Il se transforme, il se métamorphose, et comme on le sait, par des étapes successives, très souvent très contrariées, mais néanmoins, il suit sa route, il devient donc ce grain arrondi qui tombe sur le sol, chargé de poussière, et à ce moment-là, il s'entasse. Et c'est comme ça que se fabrique un glacier sur un versant montagneux, pour ne citer que ce contexte-là. Donc il y a une histoire qui au début ne prend pas beaucoup de temps, mais qui ensuite demande une durée vraiment significative. Un glacier, ça prend vraiment des décennies, des milliers d'années pour se former et puis pour persister. Donc il y a cet aspect histoire personnel du flocon de neige. Alors après, la qualité de la vie, c'est en effet une chose différente. Et là, ça nous ramène soit à une approche poétique, pourquoi pas, soit en fait à une cosmologie différente parmi celles qu'on a évoquées, où le langage lui-même surtout ne désanime pas le monde qu'il désigne, mais au contraire l'anime. Et dans ces langages-là, dans ces cosmologies-là, on comprend très rapidement que les les flocons de neige ont une vie au sens où, par exemple, au Kamtchatka, on leur dit bonjour lorsqu'ils tombent, pas simplement pour baptiser le changement de saison, mais aussi parce qu'on sait qu'ils vont participer à la métamorphose de la couverture. Mais est-ce qu'ils répondent au bonjour par une forme de politesse? Peut-être n'est-ce pas la meilleure façon de poser le problème, parce que le dialogue s'opère à un autre niveau. Le dialogue s'opérera à partir du moment où le flocon aura lui-même formé une entité. Donc, en tant que tel, on sait bien que les flocons ont toujours fasciné les scientifiques eux-mêmes. Après tout, Johannes Kepler, qui est le premier scientifique occidental à s'être intéressé, disons, dans un texte, aux flocons de neige, et qui notamment se posait la question des raisons de ces nombres, de son nombre de d'étoiles. Il en a tiré un petit traité. Si vous voulez, le flocon de neige, il devient intéressant, que ce soit pour Kepler ou pour tel Atepaskan ou Even, Atepaskan de l'Alaska ou du Yukon, ou Even au Kamtchatka, il devient intéressant à partir du moment où il s'agglomère, où il s'agglutine, et à partir du moment donc où il forme un volume qui lui-même prend place dans un écosystème. Mais est-ce que c'est pour ça que vous dites que, reparlons des icebergs, que lorsqu'ils roulent sur eux-mêmes, leur partie immergée surgit avec fracas et leur âme apparaît? Vous parlez pas de l'âme des flocons, vous parlez de l'âme des icebergs, et vous dites qu'elle est cachée, elle ne se montre que quand l'iceberg roule sur lui-même, ce qui est toujours un spectacle très impressionnant. J'ai pu assister personnellement du côté du Spitzberg et j'ai eu très peur. Ça peut faire peur. Et alors, il y a un corps, indubitablement. Il y a une masse qui se retourne. Et on peut parler d'âme à partir du moment où, encore une fois, dans certaines cosmologies, l'iceberg, surtout lorsqu'il est troué, par exemple, qu'il a le sommet troué, est appréhendé comme un tunnel de réincarnation. Là, c'est des témoignages absolument fascinants où on s'aperçoit que, reprenons donc cet exemple de l'iceberg dont le sommet est troué, puisqu'il se retourne, dans la mesure où on dit que les âmes mortes passeront dans le tunnel de l'iceberg pour se réincarner, évidemment, le sens de leur métamorphose à ces âmes dépend de la pirouette. Selon que le trou du sommet de l'iceberg sera émergé ou immergé, l'âme se réincarnera tantôt en oiseau, ou en phoque, et il ira rejoindre, par exemple, la dense chevelure de la déesse Sedna, déesse de la mer. Donc, bien sûr, lorsque l'iceberg, dans certaines cosmologies, est un tunnel de réincarnation des âmes mortes, donc que les âmes empruntent pour retrouver une forme nouvelle, il est évident qu'il a une âme. Mais il en a plusieurs, puisqu'il se retourne plusieurs fois. Il peut en avoir plusieurs, mais à ce moment-là, ça consisterait, à faire une erreur logique, puisque ça reviendrait à lui prêter les âmes que les individus qui sont décédés abandonneraient, par exemple, ou dont ils disposeraient encore. Léon, on a parlé de vocabulaire, vous avez un poème, je crois, qui s'appelle « Vocabulaire oui, ». Oui, c'est votre côté scolaire qui revient. C'est ça, mais je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Mais oui, absolument, un poème « Vocabulaire » de la grande poétesse polonaise Wisława Szymborska, qui est très connue et reconnue en Pologne, en Allemagne aussi pas mal, un peu moins en France, qui a eu quand même un prix Nobel de littérature pour son œuvre poétique en 96, si je ne me trompe pas. Et le poème est extrait du recueil qui s'appelle « De la mort sans exagérer ». Et c'est une poésie, de manière générale, à aller voir. Très très simple, très douce et très... Une poésie qui soigne à l'intérieur, je trouve. Et ici, « Vocabulaire » va nous emmener un peu du côté des auteurs du froid, on pourrait dire. Bon, on va voir. La Pologne. La Pologne, en français dans le texte. « Il y fait drôlement froid, n'est-ce pas ?» me demanda-t-elle en poussant un soupir de soulagement car il y en a tellement maintenant de tous ces pays que le sujet le plus sûr dans une conversation, c'est encore le climat. « Ô gente dame !» ai-je envie de lui répondre. « Les poètes de mon pays écrivent en gants de fourrure. Je ne prétends pas qu'ils ne les enlèvent jamais. Si la lune chauffe un peu, alors là, oui. Dans leurs strophes composées de cris à tue-tête, car rien d'autre ne saurait traverser les hurlements de la bourrasque, ils chantent la vie paisible des pâtres des phoques. Nos classiques gravent leurs vers d'un glaçon d'encre sur des congères bien tassées. Les autres, les décadents, répandent des étoiles de neige sur leur sort malheureux. Mais quiconque veut se noyer doit se tailler à la hache un trou dans la glace. Ô madame, ma gente dame. Voilà ce que je veux lui dire, mais j'ai oublié comment se dit phoque en français. Et je ne suis pas très sûr du glaçon ni de la congère. La Pologne, il y fait drôlement froid, n'est-ce pas ? Pas du tout, en français dans le texte. Réponge glaciale. Merci Léon. Olivier Remo. Oui, glacial, c'est tout de suite un mot qui fait peur. mais on sait qu'il y a des glaciers qui sont dits chauds. Hein. Il y a des glaciers qui réchauffent. Et en fait, moi, en écrivant ce livre, en lisant, en parcourant certaines régions, je n'ai pas toujours froid dans ces régions froides. Il y a des paysages qui paraissent froids, mais qui sont dotés d'une forme de chaleur qui en deviennent même chaleureux. Bon, je demande à voir ça. Mais on citait tout à l'heure Gaston Bachelard et vous parlez beaucoup dans votre livre, Olivier Remo, de la pensée, de la cosmologie des Inuits et de tous les peuples qui vivent dans le Grand Nord. Bachelard disait qu'ils ont une pensée cosmo-dramaturgique. Est-ce que c'est une expression qui vous parle? Et si oui, quel sens voudriez-vous lui donner? Alors oui, elle me parle beaucoup. J'y vois, je pense, une chose simple. C'est-à-dire que c'est une pensée qui inviterait plus de personnages dans les façons de vivre, les façons de communier avec ou de cohabiter, disons, avec son milieu. Je crois vraiment que c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est une mise en scène, c'est une pensée qui met en scène le vivant lui-même et qui, de ce point de vue-là, à ce moment-là, presque raconte de manière dramaturgique le type de lien qui la rattache à la Terre en général, au système Terre, on pourrait dire, avec nos mots. J'y vois ça dans l'expression de Bachelard. Qu'est-ce que se raconte le soir à la veillée les Inuits? Vous citez un linguiste dont j'ai oublié le nom, qui dit que leur langue est une langue agglutinante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils convoquent de plus en plus de choses pour être précis? Non, ça veut dire ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'il y a une racine, il y a une racine générique. Et les mots eux-mêmes qui... Et on ajoute, voilà, on ajoute les descriptifs. Et vous parlez aussi de la façon dont les chasseurs se repéraient sur la glace avant que les GPS apparaissent. Comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'on peut savoir où on est? Et comment éviter ce qui est terrible dans ces cas-là, c'est-à-dire le fait de se perdre? Ce que l'on apprend hein, beaucoup dans ces régions lorsqu'on y vit, c'est que la vue ne suffit pas. Le voir est assez régulièrement inefficace. C'est une expérience, parfois une épreuve, qui peut se vivre parfois s'anticiper, mais pas toujours, y compris en montagne, hein. En haute montagne, bien sûr, c'est que le climat change d'une manière tellement brutale, radicale. La météo. Bien sûr, la météo. Pas le climat. Pardon, bien sûr, évidemment. La météo, les conditions météorologiques changent d'une manière tellement radicale, tellement brutale que la luminosité aussi, hein, qui est importante parce qu'elle peut devenir aveuglante quand elle s'aplatit subitement, que finalement les yeux sont rendus assez régulièrement inefficaces. Hein, c'est la défaite de la du voir. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que mécaniquement, les autres sens sont ultra sollicités. Notamment l'ouïe, ça c'est une chose vraiment que je souligne, hein, que je développe, d'autant plus que la glace fait du bruit, hein, la partie immergée de l'iceberg fait aussi beaucoup de bruit, la banquise on le sait, n'importe quel glacier montagneux, il suffit de s'en approcher, fait tout le temps sa gymnastique, hein, il râpe le sol qui l'accueille, il emporte des débris, il crée une espèce de farine, hein, comme disent les montagnards, et puis il râpe les roches, hein, d'où les roches moutonnées dans beaucoup de nos montagnes. Donc tout ça est une preuve supplémentaire, hein, ça va dans le sens d'une citation d'Aristote, hein, qui rattache la vie au mouvement, ça bouge, donc ça vit. Alors le raisonnement est peut-être un peu court, il y a peut-être une inférence une déduction un peu trop généralisante, un raisonnement un peu trop ampliatif, on pourrait dire. Mais néanmoins, c'est assez régulièrement de cette manière-là que c'est vécu, et ça, l'ouïe l'atteste. L'ouïe est le sens qui, lorsque les conditions météorologiques sont, disons, lourdes, où la brume s'apesantit sur vous, où finalement vous ne voyez absolument plus rien, l'odorat aussi est très important, y compris le toucher. On fait attention à la courbe du vent. On fait attention également au sens de ces petites crêtes qui hérissent la banquise et qui résultent de l'action du vent pour essayer de retrouver sa direction. Donc, ça demande une très grande concentration, finalement. Ça demande une grande attention. Ça demande pour ceux qui évidemment ne sont pas habitués à ces régions. Ça demande en fait à se déconcentrer déjà du pouvoir qu'a la vue, hein, pour donc de se déprendre, pour se reprendre aux étages, si j'ose dire, des autres sens, et effectivement de se concentrer à ce moment-là sur le sens qui deviendra dominant selon la situation. Souvent, c'est quand même l'ouïe. Et par exemple, lorsqu'on est sur la banquise, c'est grâce à l'ouïe, entre autres, que l'on reconnaît le bruit tranquillement insistant de la mer qui borde bien sûr la banquise et qu'on évite de tomber à l'eau. Mais comment est-ce qu'on peut parvenir à concilier ce qu'on apprend par la science sur la glace, sur ces régions, sur par exemple les processus mécaniques et thermiques qui font que les glaciers vèlent et donc produisent des icebergs, avec tous ces récits, toute cette fréquentation, toute cette expérience que les populations de ces régions ont accumulé. Est-ce qu'il y a une sorte d'exclusion ou est-ce qu'on arrive à trouver un discours qui synthétise les deux approches? J'invite dans le livre à trouver ces points de croisement, parce que je crois que les glaciologues, à bien des égards, lorsqu'on parle avec eux et qu'ils sont devenus eux-mêmes familiers de leurs objets d'étude, entretiennent des relations d'empathie avec tel ou tel glacier, et une fois de plus lorsqu'ils reviennent sur site et qu'ils constatent par exemple que leur glacier a disparu, ils sont vraiment très très mal à l'aise, c'est comme s'ils avaient perdu un bon ami, dit à un moment un glaciologue que je cite. Et donc cette empathie là est une expérience partagée et partageable tant par des glaciologues, pour ne citer que qui se déplacent régulièrement à des cadences respectives, ça dépend des individus, des champs de recherche, et partagé et partageable par ces glaciologues avec des populations autochtones. Et évidemment, ce serait intéressant de discuter, mais ils sont rares encore, avec des glaciologues inuits. Qu'est-ce qu'on appelle, Olivier Remou, la solastalgie? La solastalgie, c'est un terme forgé par un philosophe australien, Glenn Albrecht, qui a écrit un livre récemment traduit en français sur les émotions de la Terre. C'est ce néologisme qu'il a forgé pour indiquer le type d'anxiété écologique, hein. C'est une problématique montante aujourd'hui, mais au moins lui, il a le mérite de la baptiser en quelque sorte, de lui donner un nom. Le type d'anxiété assez énigmatique que beaucoup de gens sur la planète éprouvent lorsqu'ils ressentent en fait la nostalgie à l'égard du milieu dans lequel ils vivent, dont ils sont familiers depuis des années et des années, qui se dégrade sous leurs yeux, alors même qu'ils ne voyage pas, qu'il ne se déplace pas. Hein, donc c'est le sentiment de la nostalgie, mais sans exil, sans mobilité, hein, puisque le registre de la nostalgie est souvent lié au départ d'un pays d'origine, que l'on regrette justement, hein, dont on a la pensée amère et que l'on aimerait bien revoir, parce que mais dont on sait probablement que ce sera difficile parce qu'on en est définitivement éloigné. Eh bien, Glenn Albrecht donc a forgé ce beau terme pour désigner l'absence de consolation qui vient de cette nostalgie éprouvée à l'égard d'un lieu dont on est familier, alors même que on y habite encore. Bon, c'est une façon de montrer l'impact, hein, de la dégradation des milieux naturels sur l'humain. Et de fait, il est ce terme est aujourd'hui passé dans beaucoup de langages assez communs. Il est régulièrement utilisé, notamment à l'occasion, si j'ose dire, de tous les incendies de forêt, hein, qui parsèment depuis des siècles, enfin des années. Assez récemment, là, il y a plusieurs exemples en Californie, en Suède, en Sibérie. Vous dites que les icebergs nous donnent une leçon d'humidité. Vous dites même que ce sont des antidotes au narcissisme. Alors, qu'est-ce que ça va être quand ils seront plus là ? Je fais allusion, bien sûr, dans ces passages-là au texte magnifique d'Aldo Leopold, un écologue américain qui a publicisé, hein, l'expression penser comme une montagne, et puis ensuite, ça a un peu fait florès, d'où mon titre, c'est un clin d'œil à cet écologue. Et évidemment, lui nous invite à être un peu plus discret. Hein. Il parle de l'humanité ou de l'humain, des hommes, comme les compagnons voyageurs des autres espèces, donc à nous considérer un peu comme une espèce parmi d'autres. Et puis, donc, à arrêter, comme il le dit très joliment, de siffloter dans le noir, c'est-à-dire de compenser en fait sa peur par l'ambition d'être conquérant. Hein, donc de maîtriser la nature. Arrêtons de siffloter dans le noir, ouvrons la lumière, voyons le monde tel qu'il est, il est riche, il est foisonnant, assumons-le, donc nous ne sommes pas les seuls sur Terre, nous ne sommes pas seuls, et maximisons les liens de cohabitation possibles. Donc bien sûr que c'est en ce sens un antidote à notre narcissisme, c'est-à-dire que plus on invite ces nouveaux personnages dans nos propres rapports, plus on s'oublie soi-même, on voit le monde un peu moins avec notre regard, mais un peu plus depuis l'extérieur. Merci Olivier Remeau, je recommande vivement la lecture de votre livre « Penser comme un iceberg ». J'ai compris, en vous écoutant aujourd'hui, tout le sens de la phrase qu'on trouve dans la postface de votre livre, qui a été rédigée par Anne-Marie Gara, qui dit finalement « Penser comme un iceberg, c'est finalement nommer ce qui nous arrive. » Merci d'être venu à la conversation scientifique. Merci à vous. C'était donc la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp. À la technique, beaucoup de monde. Nous sommes en direct au Théâtre de la Ville, dont je voudrais remercier Franck Malabry, Benjamin Perru, Mathieu Leroy, Alexandre James, Antoine Espel et Jean-François Georges. Et puis je remercie Wojtech Noiret et toute son équipe technique qui nous accueille ici au Théâtre de la Ville. Et je remercie également Anna Holweck qui a été aujourd'hui notre réalisatrice. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Olivier Gelsbert pour En français dans le texte.